épisode 3. Le lundi, c'est rendez-vous anonyme en parking souterrain. T'as une sale gueule. Quoi? Non, pareil, je constate, quoi. Oh la vache. Ok, merci, j'ai compris. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Au point où j'en suis, je pense que me tirer une balle dans la nuque pour mettre fin à mes souffrances, c'est la meilleure option qui te reste. Oh là là, tout de suite. Non, mais tu sais ce que c'est ton problème? T'es trop négatif. J'en reviens pas que t'as encore des clients. Mais je sais, tu me dis au moins 3 fois par semaine, alors. Bon, bière? Bière. Ça roule. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien. T'es sûr? Parce que là, vraiment... Non, mais sérieusement, Jean-Louis. Tu sais que si je veux, je le fais fermer, ton troquet minable. Oh, tu ferais jamais ça. Ah ouais, pourquoi? T'aurais plus personne pour te dire quand t'as une sale gueule. J'ai un flingue aussi, hein. Oh, mais là, c'est du bon à servir, moi. Allez, à plus. C'est vrai que ça vous ferait pas de mal de sourire un peu? Quoi? Oh, pardon, j'ai pensé à voix haute. Ah bah ouais, carrément à voix haute même. Ça m'a échappé. Oublions? Ouais, ouais, oublions. Mais, ça fait combien de temps que vous êtes assise là? Pourquoi? Vous êtes de la police? Un peu qu'il est de la police. Non, Jean-Louis, sérieux là? Super! Vous allez m'embarquer pour outrage? Hein? Mais non, mais je vous demande juste, depuis combien de temps vous êtes là? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Un quart d'heure, peut-être? Quelque chose comme ça? Ah bon? Ah ouais, c'est fou. Parce que je vous ai absolument pas remarqué. Vous êtes bon comme flic, vous? Vous avez pas idée. Parce que moi, je vous ai bien vu. Vous asseoir comme si vous pesiez 10 tonnes, soupirer comme un vieil accordéon, grommeler dans votre barbe. Oui, bon, ça va. Ah, voilà, exactement comme ça. Bon, et je peux boire ma bière ou vous avez aussi une remarque à faire là-dessus? Non, je vous en prie. Ah, vous la buvez comme ça, votre bière, c'est marrant, hein. Non mais quoi encore? Rien, c'était juste pour... C'était trop tentant. Ouais, c'est trop tentant. Pardon? Désolé, mais je comprends pas le batracien. Non, j'étais en train d'essayer de maudire votre nom, mais j'ai réalisé que je le connaissais pas. Je m'appelle Marik. Hein? Comme la chanson de Jacques Brel? Non, comme ma grand-mère. Mais les gens font souvent l'erreur. Eh bien, Marik, vous êtes épuisante. Ouais, il paraît que je tiens ça de ma grand-mère. Ah ben, vous riez? Il rit! Si j'étais vous, je m'y habituerais pas trop. Vous allez me lâcher la grappe un peu, là? Ah oui, en effet, c'était fugace. Jean-Louis, combien je te dois? Tu veux dire ce soir ou en général? Tu me mettrais ça sur ma note? Laissez, c'est pour moi. Quoi? Mais pourquoi? Eh ben, dites donc, même quand on essaie d'être sympa, vous êtes sur la défensive. C'est pour m'excuser. De quoi? De la bière que vous avez recrachée sur votre chemise. De la bière? Oh merde! Putain, j'avais pas vu! Voilà. Donc, comme je disais, c'est pour moi. Bon, merci. Bah de rien. Comment vous avez dit que vous vous appeliez? Ah, je l'ai pas dit. Ce qui explique que je m'en souvienne pas. Bon, au revoir machin. Je préfère Mathéo. Oui, vous avez raison, ça sonne mieux. Allez Mathéo, vous pourrez donc combattre les méchants criminels. Ouais, je ferai ça. Un jour. Et ce soir, j'ai rendez-vous dans un parking avec un adorateur de spaghettis. Deux? Vous avez quoi dans quoi? Hein? Non, rien, laissez tomber. Ça sonnait pas comme ça dans ma tête. C'est pas ce que vous croyez. Quoi que vous croyez. Oh, mais je crois rien, Mathéo. Je vous laisse à votre rendez-vous. Bonne soirée. Super. Bonne soirée, Marik. À la prochaine. Ouais. Jean-Louis? Un hochement de tête accompagne ces deux dernières répliques, impliquant une connivence de longue date entre le patron de bar et son pilier de comptoir préféré, qui leur permet de partager ce salut plein de retenue, digne des plus grands westerns de John Ford. Une personne. Vous êtes? Peu importe. Enchanté. Belle imperméable. Je... Merci, monsieur Razzoni. Savez-vous ce qu'est le pastafarisme? De ce que j'en ai compris, c'est une religion parodique qui vise à démontrer par l'absurde les excès des diverses religions monothéistes, d'où le monstre spaghetti volant qui aurait créé le monde en 4 jours, ivre, d'où les pirates œuvrant comme messie du monstre spaghetti. Alors, l'idée étant de reprendre l'argument des créationnistes, puisque vous n'avez pas les moyens de prouver que c'est faux, vous devez l'enseigner à l'école, au même titre que les autres théories. Voilà, en gros. Oui, en effet, vous êtes pas mal renseigné. Ah bah oui, vous savez, j'ai Internet, quoi. Mais vous ne savez pas tout. J'ai des informations pour vous. Oui, très bien. Je vous écoute. Eh bien, il y a... En fait, ce serait plus simple si vous posiez des questions. Si je... Bon, alors, pour commencer, comment vous avez su que je m'occupais de cette affaire, enfin, de ce truc-là? Ah, excellente question. Simple, monsieur Razzoni. Je vous ai vu entrer dans l'appartement. J'habite sur le palier d'en face. D'accord. Et pourquoi vous m'avez appelé? Ah, eh bien, quand je vous ai vu, j'ai pensé... Quoi? Des policiers dans votre repère? Formidable! Je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose de fort, de pimenté. L'occasion de vivre dangereusement. Et quoi de plus dangereux qu'un rendez-vous anonyme? Oui. Enfin, en l'occurrence, le rendez-vous n'était anonyme que pour moi. Vous saviez qui vous alliez rencontrer. C'est une question de point de vue. Hein? Non, c'est pas une question de... Bon, peu importe. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le député de la Palice? Que c'est un con. Et vous voulez le faire taire, c'est ça? Vous voulez le menacer? Le kidnapper? Hein? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce que vous cachez derrière vos spaghettis? Mais il n'y a rien de caché. Je ne trame rien. Vous allez m'arrêter? Vous pouvez pas m'arrêter. C'est les ramènes, c'est ça? On les a pas volés, c'était du déstockage. Je vous jure, monsieur, on a eu un prix gros, une aubaine incroyable. Je parle pas de ça. Je vous parle des photos de la Palice et de ce qu'il y a dessus. Le nez de clown? C'est de l'humour potage, pas du meilleur goût, je vous l'accorde, mais de là... Pas le nez de clown. Les horaires, les adresses, les documents au fond du placard. Mais enfin, je ne vois absolument pas de quoi vous me parlez. C'est de la blague, tout ça. Bien sûr qu'on ne l'aime pas, ce bonhomme, avec ses idées moyenâgeuses, mais de là à le menacer... Non, franchement, le mépris, c'est tout ce qu'il mérite. Vous voulez dire que vous ne savez rien de ce qui pourrait se préparer pour le député? Mais puisque je vous dis qu'il n'y a rien à savoir... Alors pourquoi vous m'avez fait venir ici? J'en sais rien, moi, ça m'est venu comme ça. Le goût du risque, le grand frisson, le mystère ténébreux, j'ai pas réfléchi. Je m'étais dit que je trouverais de quoi satisfaire votre curiosité... Mais mon vieux, vous êtes pas facile. Dégagez. Pardon? Vous avez 30 secondes pour foutre le camp avant que je vous embarque pour la raison qu'il me plaira. Vous croyez que j'ai que ça à foutre que d'amuser la galerie et de satisfaire vos fantasmes de série B, là? Mais... Du vent! Et attention, avec votre imperméable, vous allez... Super. Soirée foutue. En plus, demain, c'est mardi. Parfait. Tout est putain de parfait. Oui, parce qu'en fait, j'ai un léger problème avec les mardis. J'en ai pas encore parlé, mais... Enfin, les mardis jouent un rôle déterminant dans tous les trucs désagréables qui me tombent dessus. Que les choses soient claires. Je ne suis pas superstitieux. Pas du tout. Oh non. Je suis même plutôt le genre de type à passer exprès sous les échelles, par principe. Mais les mardis, c'est autre chose. C'est concret. C'est scientifique. Par exemple, je sais que je mourrai un mardi. C'est évident, je l'ai accepté depuis longtemps. Et c'est pas grave. Le tout, c'est de le savoir. Il faut connaître son ennemi. Moi, c'est le mardi. Et ce soir-là, justement, le temps de rentrer chez moi après une petite marche dans la ville et un verre de réconfort chez Jean-Louis, il était minuit passé. Le mardi... m'était tombé dessus sans prévenir. Et une surprise m'attendait à la maison. Oh putain! Qu'est-ce que c'est? Ma porte! Oh! Si vous êtes encore à l'intérieur, sortez calmement. Je suis flic. Et je suis armé. Alors déconnez pas. Qu'est-ce que ça sent ? Oh putain, c'est pas vrai ! Merde ! Merde ! Allô ? Lieutenant Razzoni. Je viens d'entrer chez moi, la porte a été forcée et... Il y a... C'est... rouge. Sur le plafond, c'est... juste du... rouge.